crois pas au plus simple. Ne pleure pas, ne crois pas toujours à l'évidence. Ne pleure pas, ne crois pas aux rumeurs, à toutes ces manigances. Non, ne pleure pas. Ne crois pas que le diable fasse sa révérence. Non, n'y compte pas. Non, ne crois pas que quelqu'un te sauvera. Non, personne te sortira de là. Non, n'y compte pas. Non, n'y compte pas. Non, ne compte pas sur ça. N'y crois pas, non, n'y crois pas. Non, ne crois pas que les gens auront pitié de toi. Non, n'y compte pas. Non, n'y crois pas. Non, n'y compte pas. N'y crois pas qu'il y a une gloire à tout ça. Ne crois qu'en toi, non, ne crois que en toi, non.